quatrième et dernier temps de notre série sur la crise de 2007-2008 avec le documentaire qui sera désormais, sachez-le, chaque semaine diffusé le jeudi et non plus le mardi en conclusion de notre série. Un documentaire enregistré en Islande car il traite d'une crise dans la crise, de la crise qui toucha fort brutalement justement ce tout petit pays qu'est l'Islande. Anaïs Quin et Anne Fleury ont rencontré à Reykjavik des témoins des événements qui ont suivi le krach économique islandais dans cette crise de 2007-2008. On y parle de l'hubris, de la démesure des Islandais avant la crise, du choc que cette crise a provoqué dans la société islandaise, des espoirs qui ont pu être déçus et qui sont nés justement d'une fronde démocratique assez vite oubliée. C'est le documentaire jusqu'à 10h ce matin dans la Fabrique de l'Histoire. Le calme de la capitale islandaise cache tout de la crise qui sévit, car les désillusions sont maintenant quotidiennes. En 8 jours, 2 des 3 plus grandes banques du pays ont été nationalisées pour éviter la banqueroute. Le cours de la monnaie s'est effondré. Et dans les supermarchés, les prix ont augmenté de 15%. Trop pour des habitants déroutés. L'important, c'est de trouver une solution à nos problèmes, car on est dans une sacrée merde. J'ai très peur quand je vois ce qui se passe. Il y a encore peu, l'Islande faisait figure de modèle avec une croissance annuelle de 5%. Une économie fondée sur le système bancaire, le crédit et l'endettement. La crise venue des États-Unis a tout balayé en quelques mois. Selon le Premier ministre, le redressement économique prendra des années. Certains Islandais, eux, font des réserves de nourriture. L'Islande, 10 ans après, ce que la crise nous a fait. Un documentaire d'Anaïs Quin, réalisé par Anne Fleury. Vous aviez cette une de Grapevine, qui est le plus grand quotidien anglophone de l'île. On voyait un Islandais, donc avant puis après la crise. Donc on le voit en costard, banquier, ce qu'on appelait les néo-vikings. Donc en fait, le moment de la libéralisation a aussi été un moment de construction nationale en vérité. Et on le voyait après, donc en Lopa Paisa, avec le pull islandais, en train peut-être de manger un mouton rôti ou je ne sais quoi. Sur ce modèle de « on est des Islandais, on a vu bien pire, on est des petites gens qui survivent dans l'adversité ». Aujourd'hui, si vous vous promenez à Reykjavik, les gens ont l'air d'avoir oublié, comme un mauvais rêve qu'ils espèrent ne jamais revivre. Mais la mentalité et le ressenti islandais ont toujours été comme ça. On a souvent l'impression que les Islandais deviennent nerveux quand les choses vont bien, parce qu'ils pensent que bientôt ça va très mal tourner. Et maintenant, nous voyons les mêmes signes. Les gens dépensent davantage. Ils ont oublié que juste après la crise, on avait le sentiment de devoir tricoter ses pulls, s'installer à la campagne, rembourser ses dettes et vivre selon ses moyens. Mais les Islandais aiment dépenser de l'argent. Et on peut voir que c'est le cas à nouveau en ce moment. Donc, on peut s'attendre à tout. Chez nous, on ne se décourage pas. C'est... On va trouver un moyen pour y faire face. Et c'est vrai, oui. Oui, voilà. En octobre 2008, l'Islande est à la une de tous les journaux. Cette petite île, battue par les vents arctiques, colonie danoise pendant près de 7 siècles, base stratégique américaine pendant la guerre froide, connaît la plus grande crise de son histoire depuis l'indépendance de 1944. Frappée de plein fouet par une crise financière sans précédent, les Islandais subissent une inflation et une dévaluation vertigineuse de leur monnaie. Mais l'Islande est restée, dans la mémoire immédiate, la nation héroïque qui a refusé d'assumer les dettes de ses banques et qui a redressé une situation économique catastrophique en quelques années seulement. Rencontre avec quelques Islandais, 10 ans après, en commençant par Torfi Tulinius, professeur en études islandaises à l'université de Reykjavik. L'été 2008, on sait maintenant, les banques étaient à la merci du premier coup de vent sur les marchés et donc auraient pu s'effondrer même 2 ans plus tôt. Mais le commun des mortels, quelqu'un comme moi, nous pensions que tout allait bien. C'était en août, c'était les Olympiades à Pékin. Notre équipe de handball était en finale contre la France. Et d'ailleurs a été glorieusement battue par la France. Mais c'était la gloire quand même. Avoir une médaille d'argent pour un sport d'équipe aux Olympiades était un grand moment. Et nos hommes politiques faisaient la navette entre Reykjavik et Pékin pour assister à tous les matchs, etc. Et il y avait une sorte de frénésie dans la société où les Islandais se disent « Maintenant, nous avons des banques, nous avons des milliardaires, nous avons... » inventer un mode de finance qui nous permet de nous enrichir tous, etc., etc. Et puis maintenant, notre équipe de handball. Donc, il y a une sorte de frénésie mégalomane en Islande. Et puis, 7 semaines plus tard, tout s'est effondré. En fait, les hommes financiers ont été glorifiés par les médias pendant des années avant la crise. Björn Thorsteinsson, philosophe, post-doctorant, à l'université de Reykjavik. On a parlé d'eux comme des vikings qui faisaient des énormes, profits, et puis ils sont rentrés dans le pays avec leur butin. Donc, ils ont été populaires, ils ont été des stars. La génération de mon père a beaucoup aimé ces gens. Ils étaient jeunes, beaux, bien habillés, ils parlaient bien. Astein Gibjardsdottir. Ils avaient tout compris. Et ils mettaient Islande sur la carte du monde des grands. On en jouait dans le cours des grands. Et ça, pour nous, c'est important. Parce qu'on est tellement petits. Ouais. Avant 2008, il y avait une culture assez toxique des hommes qui ont fait partie des mêmes sociétés, des mêmes clubs, des bons vieux amis. On n'a pas complètement effacé ça, mais c'est beaucoup moins. Snæbjørn Brynjarsson. Quand on voit les annoncés pour les banques dans les années 2007, ça me fait honte. Bon, rigoler, peut-être. Parce que dans les publicités pour les banques, avant la crise, on mettait en scène ces nouveaux vikings. Oui, tout à fait. Hein. Il y a une annonce pour le banque Kupthing qui est vraiment connue parce que ils font toute cette comparaison avec pas seulement des vikings, mais des héros historiques avec quelque chose qui est juste une banque. Et aujourd'hui, je pense qu'on sait bien qu'ils ont pris beaucoup de cocaïne avant de faire cette annonce. Je pense il faut que je vous la montre parce que c'est vraiment... Si nous voulons changer le monde... C'est pour les Islandais de l'SMR en anglais. Nous pouvons le faire. We just have to think we can. Il suffit de se dire qu'on peut. If we want to see another world, we can. We just have to think we can. Et ça date de 2008? Ça date d'avant 2008, je crois. Ouais. Est-ce que ça date de la campagne de Barack Obama? Parce que Yes, we can. Non, c'est avant d'Obama. Barack Obama a copié les nouveaux vikings. Oui, en fait. And we did, by 500% in just 3 years. Nous pensons que nous pouvons continuer à grandir comme nous l'avons toujours fait, en évitant la bureaucratie, en agissant plus vite, en étant flexible, Vous qui êtes un spécialiste des véritables vikings des premiers temps et de leur littérature, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai toujours trouvé ça bidon. Dès le début, même, je ne comprenais rien aux finances, mais je voyais que, apparemment, ça allait marcher très bien pour eux. Et donc, j'étais impressionné par cela. Mais le fait de les appeler des vikings de la finance, je trouvais ça bidon parce que ça n'avait rien à voir. Les vikings du 9e, 10e siècle étaient d'affreux sauvages, quand même. Hein. Ils avaient maîtrisé des techniques, surtout de navigation, surtout, qui étaient intéressantes. Ils avaient une manière de voir le monde qui vaut la peine d'être étudiée. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans des pays où ils tuaient des gens pour les voler. Et donc, oui, alors, pour se rendre respectable, s'appeler les Vikings de la finance, je ne trouvais pas que c'était une bonne idée à l'époque. Maintenant, c'est une ironie de l'histoire. Maintenant, peut-être, ils méritent d'être appelés des Vikings de la finance. Voilà. Qu'est-ce que vous faisiez en 2008, Magnus ? À quoi ressemblait votre vie ? En 2003, j'ai monté un foyer pour les alcoolos, les sans-abri, dans une zone industrielle à Kopavogu, près de Reykjavik. C'était financé par les gens qui venaient, s'ils pouvaient. Ils avaient le droit d'avoir une aide de l'État 3 mois. Après, il fallait qu'ils se mettent au travail. Je vendais mon appartement et j'ai emprunté de l'argent à la banque pour 50%. Ça marchait très bien pendant 5 ans, jusqu'à 2007, au mois de février. Les banques m'ont conseillé de changer les empreintes. Le système des empreintes en Islande, ça marche de la manière de payer, à l'époque, de payer 5-6% d'intérêt sur tes emprunts. Mais après, c'est lié à l'inflation. Alors, s'il y a 5-6% d'inflation aussi, tu payes ça en plus. Ça marchait très bien jusqu'à ce que les banques commençaient à proposer un changement de prêt. Au lieu de te prêter des couronnes, à l'époque, 50 millions de couronnes, on te proposait de signer un papier. Tu ne devais pas des couronnes, mais une corbeille de l'argent mélangé, des yens japonaises, des euros, etc. Mais quand il y a eu la crise, toutes les banques, les 3 banques nationales ont fait faillite. Et au lieu de devoir 50 millions et être propriétaire moi-même de l'autre moitié, je devais 150 millions à la banque. Et c'était pas très gentil les banques avec ces gens-là. Bah, du coup, je leur ai dit de tout garder. Et les gens qui vivaient chez moi, on était tous mis à la porte, et ils ont tout pris. Puis il fallait recommencer à zéro. La crise, elle est loin. Hein. Ah oui, je sais bien. Elle m'a tellement fait chier. Non, elle m'a tellement fait mal. Non, mais elle est là. Hein. Ça vous a fait mal de manière très concrète ? Oui. Je commence juste maintenant à trouver de l'équilibre à nouveau par rapport à mes crédits, à la banque et tout ça. Ah, moi, j'ai vraiment eu de la chance de ne pas perdre mon appart. Vraiment. Et vous étiez qui, vous en étiez-vous de votre vie il y a 10 ans, Asta ? Bah, j'étais toujours là, à la fac. J'étais en couple, mais bon, c'est pas à cause de la crise, mais tout a été tellement dur, on s'est séparés. Parce que lui, il a perdu son travail. Et il me l'a pas annoncé tout de suite. Et ça a créé de gros, gros problèmes, donc... Mais ma vie aujourd'hui va bien, hein. Très bien. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont perdu leur travail, puisque le chômage n'existait pas jusque-là en Islande. Oui, j'en connais quelques-uns, mais ils ont tous retrouvé du travail. Hein. Mais il y en a certains qui sont partis à l'étranger et ils ne sont jamais revenus. Gerhard II est Premier ministre de l'Islande lorsque la crise éclate au grand jour en 2008. Armé de notre optimisme, de notre courage et de notre solidarité islandaise, nous sortirons de cette tempête. Dieu bénisse l'Islande. Orzur Torvason. C'était évident pour moi et pour d'autres que les hommes politiques avaient perdu toute notion de leur rôle, de leur métier. J'ai commencé par demander « Voulez-vous que le gouvernement démissionne ?» Une centaine de personnes ont crié « Oui ». Voulez-vous que la direction de la Banque nationale démissionne ? Tout le monde a crié oui. Et voulez-vous que la direction de la Banque centrale démissionne ? Tout le monde a crié oui. Un agent de police est sorti du Parlement et il m'a dit : vous dérangez les gens à l'intérieur, ils sont en réunion. Donc mettez-vous de l'autre côté de la rue. Maintenant. Et je lui ai demandé, ah oui, vraiment ? Ils m'entendent à l'intérieur ? Et il m'a répondu, oui. Je les dérange avec mon petit discours ? Oui. Ah, vous me donnez une belle idée. Tout le monde va venir ici avec des casseroles et sa bonne humeur, et nous allons leur faire entendre. J'ai découvert que l'isolation sonore de cette maison était nulle. Le dimanche après cette manifestation d'une ampleur inédite, le Premier ministre a démissionné. Le lundi, le gouvernement a démissionné. Donc, ça valait le coup d'essayer. Virer le gouvernement, ça n'a jamais été fait. Ok, essayons. Rendez-vous à Reykjavik sur la place Austurvöllur, dédiée aux indépendantistes islandais, où siège l'Helsingi, le Parlement de la République islandaise. C'est également sur cette place que se tenaient les manifestations d'indignation au cours des semaines qui ont suivi l'éclatement de la crise financière. En 2008, Snæbjörn Brynjarsson étudiait les arts du théâtre. Il a participé aux manifestations. Il est aujourd'hui député suppléant du parti Pirate. Il y avait un guitariste, un troubadour qui s'appelle Hörður Torfason, qui est une figure vraiment intéressante dans la société islandaise parce qu'il était la première personne qui était gay en public. C'était dans une période, il y a 30 ans, il n'y avait pas de gays en Islande. La plupart des gays ont pris un asile en Danemark. C'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, on peut dire. Mais il avait organisé une manif et c'était devenu une sorte de concert. Chaque samedi, il y avait 300, 400, peut-être 1000 une fois. Mais dans cette période, la même gouvernement a continué et la crise était toujours pire. Mais en janvier 21, finalement, même Hörður, il n'avait pas de patience. Donc il a fini avec le concert. Et normalement, la foule islandaise, elle reste silencieuse, respectueuse. Mais cette fois-ci, elle avait attaqué le Parlement. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que faisaient les gens, comment s'organisaient ouais, les manifestants? Vous montrer. Comme ça, on peut marcher. Ouais. Le 21 janvier, je pense qu'il y avait 10 000 personnes, qui est pas mal déjà en Islande. Oui, parce que la place n'est pas très grande. Oui, pas très grande. C'était environ une heure. Il y avait beaucoup de police qui n'étaient vraiment pas normales en Islande. Et ils ont mis une tape jaune pour interdire de venir plus proche. Une ligne jaune, oui. Oui. Et on n'a pas vraiment respecté ça, donc on a continué. La plupart qui ont marché là, c'était des jeunes, c'était des étudiants, parce que les plus vieux, ils sont restés quand même là. Donc il y avait quelqu'un qui a essayé d'entrer là. Par le côté ? Oui. Et on est allé ici. Donc là, on est derrière le bâtiment du Parlement, dans un jardin qui se trouve derrière. En fait, j'étais là et j'ai frappé la fenêtre quand la police est arrivée et ils ont commencé à nous pousser. Je pense que c'était peut-être 10 policiers. Et en cette côté-là, c'était peut-être 400 jeunes. Et moi, j'étais le deuxième qui était pris par la police. Il y avait déjà une garçon qui avait 16 ans, qui vient de mon village. En fait, je le connais déjà. Je pense qu'on était peut-être 13 qui ont été handcuffed. Arrêtés. Oui, arrêtés là. Et menottés. Oui, oui, oui, menottés. Et ils n'ont pas réussi de sortir avec, avec les prisonniers. Donc, ils sont allés dans cette porte et là, dans le parking. Et ils sont restés là, on était là à 5 heures. Parce que ça a pris 5 heures pour le police de sortir. Et après, ils ont fait la demande qu'on avoue qu'on n'avait pas obéi la police et payer une amende. Mais j'ai toujours refusé. Donc, Vous avez nié ? Oui, nié, oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup après ? Bah, rien. Ils vous ont relâché et rien ne s'est passé. Vous avez été condamné ni à une peine d'amende, ni à une peine de prison. Oui. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont su que c'est une situation un peu sensible. Ils n'ont pas voulu créer des martyrs non plus. Est-ce que vous avez participé aux manifestations à l'époque de protestation, Asta ? Oui. Tout le temps, tout le temps. J'ai même annulé des cours pour ça. Ça n'a pas bien vu, mais je l'ai fait quand même. C'était le seul moyen aussi de sortir de sortir des émotions. Sinon, bon, on hurlait toute la journée au travail, aux étudiants, à la maison. Il fallait bien que ça sorte quelque part. Bon, on savait que ça n'allait pas changer grand-chose, mais au moins, je hurlais ma colère en ville, devant le Parlement. Voilà, ça me soulageait. Oui, oui, j'étais là plusieurs jours, pas tous les jours, mais pas mal, oui. Il y a quelques œufs qui se sont trouvés sur le Parlement qui venaient de ma part. On a eu quelques bagarres, quoi. Mais la police, on sentait qu'ils étaient de notre côté. Hein. Même s'ils faisaient leur boulot à protéger le Parlement, on voyait sur leur visage que c'était. Ils comprenaient ce qui s'est passé et puis ils avaient de la peine pour nous. Et vous aviez déjà manifesté avant ? Non, non. Bjorn, vous disiez que vous chantiez pendant les manifestations de 2008. Qu'est-ce que vous chantiez? C'est Van Hevrik, ce qui veut dire gouvernement incapable. Gouvernement incapable. On faisait un bruit énorme. Il y avait là une énergie magique, énorme. Un sentiment de carnaval, on peut dire, mais. La démocratie s'accompagne toujours, devrait s'accompagner un peu d'un esprit de carnaval, je crois. Le souvenir que je garde de cette nuit, c'est surtout que les gens, ils se lèvent pour demander quelque chose qu'on ne sait pas trop ce que ça doit être, mais on peut dire une démocratie reformulée, une renaissance de la démocratie. Donc c'était énormément important pour moi d'être là et de sentir cette énergie. En Islande, on ne manifeste presque jamais. Quand le gouvernement s'est décidé de se rallier à Bush pour envahir l'Irak, personne ne faisait des manifestations là. On en était en colère, mais on ne sortait pas dans la rue. Mais à ce moment-là, il y avait des milliers de gens. It was very strange. Gudmundur Haldunarsson, historien, doyen de l'université de Reykjavik. C'était très étrange. Vous savez, j'ai beaucoup lu sur la Révolution française, et d'une certaine façon, nous vivions un moment pré-révolutionnaire. Les révolutions surgissent quand le peuple n'a plus confiance dans le pouvoir, quand le gouvernement perd sa légitimité. Et c'était le climat de Reykjavik en 2009, plus particulièrement quand la révolution des casseroles se déroulait. Et vous pouviez presque le sentir, ce moment où la foule décide que non, on se trouve au bord du précipice, mais non, on ne va pas sauter, on ne va pas aller aussi loin. Mais ce genre de protestation, c'était nouveau. Je veux dire, rester chaque jour devant le bâtiment du Parlement. Et ça se produisait très souvent après. La place devant le Parlement est devenue un espace de protestation publique. Östervöttler, c'est le nom de cette place où les gens se tenaient pour crier vers le bâtiment. En avril 2010, la commission d'enquête spéciale réunie par le Parlement rend public son rapport sur la vérité. 2900 pages d'une enquête menée sur les agissements des anciens dirigeants islandais en 2008, qui sont lus au cours d'un marathon de 146 heures au Théâtre national de Reykjavik. J'avais fait un entretien notamment avec la directrice du Théâtre national d'Islande, Lionel Cordier, chercheur en sciences politiques. Et ça se voyait non seulement avec elle, mais vraiment avec d'autres activistes ou de personnes du monde du spectacle qui sont beaucoup, beaucoup d'ailleurs données devant le Parlement. Et souvent, ils évoquaient vraiment un renversement, c'est-à-dire que le théâtre, ça devenait le lieu politique, où les gens parlaient de politique. Et en effet, ça a été un outil pour une certaine partie de la population islandaise pour se remettre de ce choc-là. C'est-à-dire qu'après des pièces qui étaient tenues au Théâtre national, souvent, les personnes se mettaient à parler politique dans la salle même, quoi. Les Islandais se ressaisissent de la parole politique et au contraire, voient le Parlement comme un lieu comique qui devient complètement absurde. Ça se relie d'ailleurs à un certain sens de l'absurde islandais assez typique. Du point de vue de la presse internationale, lorsqu'on décrivait cet élan réformateur venu des Islandais eux-mêmes, il était toujours question d'un retour aux valeurs islandaises, sans forcément qu'on arrive à très bien les identifier. Est-ce que les Islandais eux-mêmes ont identifié ces valeurs ? Enfin, tel que je le perçois, moi, c'était assez primaire, comme, surtout dans les premiers mois et semaines après les gens revenaient un peu aux pratiques de leurs parents ou grands-parents. Ils se mettaient des pulls islandais en laine, alors que tout le monde avait été comment on appelle En laine polaire. En laine polaire, voilà. Et ça durait un an ou deux. Les gens cultivaient des patates dans leur jardin, des pommes de terre dans leur jardin. Moi, j'ai fait tout ça, hein. Pulls, patates, et tout, j'ai tout fait. C'était un peu revenir au monde avant le néolibéralisme. On a une idée de nous-mêmes que c'est un pays pur, qui a beaucoup souffert, qui a toujours fait tout lui-même. On est soudés, on est tous cousins, on s'entraide, on n'est pas des tricheurs, on sait ce qui est vrai, ce qui est bien, etc. Et quand ça arrive, petite Islande, elle est comme ça. Mes fils sont comme ça. Non, c'est un choc. Et on se rend compte, ici c'est pareil. Je ne sais pas si dans l'âme islandaise il y a une sens de infériorité. J'ai l'impression qu'on a besoin de se gonfler un petit peu. Magnus Christiansen. C'est peut-être parce qu'on n'est pas nombreux. C'est une petite île dans le nord, mais on veut que notre voix soit entendue. Tu sais, la ville de Reykjavik, par exemple, c'est une ville qui a 200 ans, 250 ans. Elle n'a pas plus. Il y a 250 ans en arrière, aux 300 ans, il y avait plus de monde qui vivait à Skálholt, là où il y a une église maintenant. Mm-hmm. Et Reykjavik, c'était une ferme. Bon, parce que depuis déjà 13e siècle, quand on a perdu notre indépendance, il y avait une loi qui passait. Je sais que cette loi existait ailleurs aussi, mais qui obligeait chaque personne de vivre dans une ferme. Parce que l'agriculture, la cultivation et l'élevage des moutons, c'est tout ce qu'on voyait. On interdisait les gens de devenir pêcheurs. Pourquoi ? Parce que c'était les fermiers numéro un. C'était les propriétaires des terres jusqu'à 1850 environ. C'est là qu'on a libéré l'esclavage de peuple. Et puis ils sont tous venus à Reykjavik. Et c'est à partir de là que Reykjavik a commencé à se développer. Mais jusqu'à là, tu étais obligé de travailler pour les fermiers. Et pendant toute la période que les Français, par exemple, sont venus pêcher sur les côtes islandaises, tu sais, les pêcheurs d'Islande, de 1860 jusqu'à 1930, on était là, près des côtes, en train de ramer des petits bateaux pour pêcher les petits poissons, pendant que les Français, les Anglais, les Hollandais, venaient là pour vraiment prendre les beaux poissons. Et la pêche en Islande, elle est récente en réalité. Même si maintenant, aujourd'hui, on a des beaux chalutiers, mais à l'époque, c'était pas le cas. C'était, numéro un, l'agriculture. Les étrangers proposaient même de nous faire travailler, nous empocher, ils nous payaient un salaire pour travailler autour de la pêche. Mais c'était interdit. Et ça, c'est... Je crois que dans l'âme islandaise, c'est comme un enfant qui est maltraité dans son enfance. Même quand il est devenu adulte, il a du mal. Il se sent inférieur. C'est cette tendance à être soumis, à pas se révolter comme il faut contre le malfaiteur. Dans ce cas, le gouvernement, les capitalistes, etc., nous maltraitent. Et tout ce qu'on fait quand on proteste, c'est qu'on va emmener des petites clochettes ou on va secouer nos porte-clés devant le Parlement pour dire, écoutez, c'est peut-être assez maintenant, hein, il faut dégager. On va faire un peu de bruit, quoi, mais ça n'a pas de résultat. Au moment de la crise de 2008, on a beaucoup parlé d'un retour aux valeurs islandaises. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, les vraies valeurs islandaises ? Je pense simplement que ce qui a aidé l'Islande après la crise, c'est qu'il y a toujours eu ici, peut-être que ça change, cette forte valeur, l'idée que vous devez travailler. C'est une mentalité paysanne qui vient du fait d'être pauvre, de devoir se battre et de ne pas tenir les choses pour dues. Mais c'est aussi parce que les Islandais n'ont jamais eu à souffrir du chômage, excepté cette période de crise. Et c'était très dur pour un Islandais d'être au chômage. Parce que ça va à l'encontre de sa manière d'être au monde. Donc s'il y a une valeur positive et qui donnait espoir après la crise, c'est cette idée qui était la plus importante selon laquelle si vous travaillez dur, vous surmonterez ça. Vous pouviez le sentir. Et cela a peut-être quelque chose à voir avec la très petite taille de la nation. Il y a un fort sentiment de solidarité. C'est comme si on était une famille d'une certaine façon, parce que, en général, il est difficile de ne pas réussir à placer qui que ce soit dans un de ces réseaux. Donc, dans un sens, il y avait cette idée forte, quand la crise a frappé, que nous devions affronter ça ensemble. Ce qui est aussi la raison pour laquelle le sentiment nationaliste a été réinventé à cette occasion. C'était important. Bien sûr, tout ça a très vite été oublié et nous sommes revenus à nos habitudes. Par exemple, nous avons découvert pendant la crise quelque chose que nous n'avions jamais vu avant, comme la corruption. Les officiels du gouvernement utilisaient leur position pour favoriser leur famille ou leurs amis. Les gens se sont dit que c'était de la corruption, que nous n'étions pas si incorruptibles. Avant la crise, l'Islande occupait la première place sur la liste des nations du monde les moins corrompues. Et ça a été une sacrée dégringolade, cette période d'après-crise. Déjà simplement parce que nous avons réalisé que beaucoup des chemins qu'on empruntait, ou des idées comme « nous sommes tous ensemble, tous solidaires », avaient un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est qu'on s'entraide. Mais le côté négatif, c'est le favoritisme, qui lui est plutôt rampant. Après la démission du gouvernement en place fin janvier 2009, Jóhanna Sigurðardóttir, social-démocrate, devient la première femme Premier ministre de l'histoire de l'Islande. C'est déjà dans sa personnalité comment elle est décrite, donc comme une personne plutôt voilà, stable, ferme, peu prolixe, qui fait surtout au lieu de parler. Donc qui rentrait en opposition justement avec l'exubérance des néo-vikings. Donc c'est la fille de l'ancien directeur de la sécurité sociale islandaise. Elle a été plutôt dans l'aile gauche, voilà, de l'Alliance social-démocrate. C'est une ancienne syndicaliste. Et elle me fait un peu penser à ces figures qui sont apparues un peu après, donc comme Sanders ou Corbyn. Dans ces moments de crise, tout d'un coup, il y a des valeurs comme ça du d'insistance sur le social, sur l'état-providence qui apparaissent. Et elle-même s'est emparée de ce discours sur les vertus féminines de gouvernement ? Non, Johanna Segura. Ah, alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est plutôt quelque chose qu'on lui a collé aussi. Elle n'est pas, traditionnellement, c'est pas une très grande féministe. Elle a aussi des mesures féministes. Disons qu'il faut aussi approcher le féminisme d'une autre façon quand on parle de l'Islande ou des pays nordiques, parce que disons que c'est pas un gros mot de se dire féministe, c'est l'inverse. Toutes les femmes en général vont se dire féministes. On a parlé de Sainte Johanna parce que vraiment, on trouvait qu'elle avait cette figure de protection des pauvres qui lui collait. Ouais. Euronews Business. L'ancien chef de la banque islandaise Landsbanki a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois. Sigur Jón Árnason était jugé pour son rôle dans l'effondrement du secteur financier en 2008. Deux autres cadres ont été condamnés à 9 mois de prison. L'ancien premier ministre d'Islande, Geir Haarde, est jugé pour négligence pendant la crise bancaire de 2008. Les trois principales banques d'Islande se sont effondrées alors qu'ils dirigeaient le pays. Encore une nation restée sur le carreau après le désastre fiscal. Reuters, 5 mars 2012. Les Islandais ont quand même refusé de payer une partie de la dette des banques et mis quelques banquiers en prison. Oui, mais tu sais, quand tu as du pognon et tu vas en prison... Tu peux demander une chambre meilleure. Hein. Tu demandes la suite. Enfin, leur honneur est un peu blessé. Hein, mais ça ne sera pas la première fois. Ils vont revenir. Hein. Ils sont plus ou moins encore propriétaires de tous les business du pays. C'est les mêmes. Hein, ça, rien n'a changé. Enfin, je sens peut-être un peu pessimiste, mais c'est comme on ressent les choses ici. Hein, rien ne change. Ce qui s'est passé avant 2008, c'est que les banques islandaises étaient énormes, 10 fois plus que le produit intérieur brut du pays. Ce qui veut dire que quand elles ont fait faillite, ça a eu un impact énorme. Il n'y avait aucun moyen pour que l'État puisse faire quoi que ce soit. La plupart de leurs activités se faisaient à l'étranger, et une de ces activités consistait en avoir sous la forme de comptes d'épargne à haut rendement en Grande-Bretagne, appelés ISSAVE. Il s'agissait souvent de petites associations ou d'établissements caritatifs, et aussi des particuliers qui avaient placé leur argent sur ces comptes épargne pour obtenir des intérêts plus élevés. Et quand les banques ont fait faillite, la question était... Qui doit garantir ces avoirs ? Alors l'État islandais a garanti les avoirs en Islande, mais pas en dehors du pays. Donc le gouvernement britannique l'a fait, a garanti les avoirs d'ISSAVE, mais ils ont demandé au gouvernement islandais d'en rembourser une partie. C'est le premier référendum de l'histoire de leur pays. Malgré un crachin glacial, les Islandais se sont déplacés aujourd'hui pour voter. L'enjeu du référendum, se prononcer sur l'accord de remboursement de 4 milliards d'euros au gouvernement britannique et néerlandais suite à la faillite fin 2008 de la banque ISSAVE. L'issue du scrutin ne fait aucun doute. Aucun doute là-dessus, c'est non. Les opposants au scrutin dénoncent l'injustice de cet accord selon lequel les Islandais devraient rembourser 100 euros par habitant et par mois pendant 8 ans. Or l'Islande est un pays ruiné, tout le système bancaire s'est effondré. Les clients du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont bien été remboursés, mais Londres et Amsterdam souhaitent que l'Islande leur reverse le montant de la dette. Quand la banque s'est effondrée, le gouvernement britannique a gelé tous les avoirs de cette banque au Royaume-Uni en invoquant une loi antiterroriste. C'était une astuce juridique de la part du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'on a, le Royaume-Uni n'a jamais pensé réellement que l'Islande était un pays terroriste, on est bien d'accord. Ouais, exact. C'était un dispositif juridique qui a été utilisé, mais qui est également utilisé contre les pays qui éventuellement soutiennent le terrorisme d'une manière ou d'une autre. Alors, d'abord, il y a eu un mouvement un peu de la base, un peu, c'est des gens qui avaient travaillé ou qui avaient fait leurs études en Angleterre, qui prenaient des photos de bambins blonds islandais, de leurs parents, et envoyaient ça sur le net à destination du Royaume-Uni, disant, est-ce que ces gens-là ont l'air de terroristes? Bon, c'est quand même assez raciste, hein. Oui, mais ça a marché en quelque sorte. Ça a marché, c'est-à-dire il y a eu un moment où les gens disaient on veut pas se faire prendre pour des terroristes, ces Anglais ils sont quand même horribles, etc. Et cette affaire ICEF a été complètement gonflée hors de toute proportion. Notre président de la République, Olafur Ragnar Grímsson, qui était là dans sa peut-être 13e année de sa présidence, et qui s'était beaucoup compromis avec les banquiers. Pas de manière financière, mais ils partaient à l'étranger pour les aider dans leurs opérations. Et lui a été complètement discrédité, mais lui a pu, justement, transformer l'affaire ICEF dans une grande affaire d'identité nationale. Et pour moi, c'était un moment de rupture. C'est un moment où, tout le potentiel de reconstruction d'une nation, d'une démocratie islandaise, après la chute de la politique néolibérale qui avait été menée en Islande depuis 1995, ce moment est passé. Et tout le monde a voté pour celui qui dit « je vais vous donner beaucoup d'argent ». Et puis la plupart des gens qui ont voté pour lui n'ont pas reçu cet argent-là. Le nationalisme est un sentiment politique profondément implanté en Islande. La politique islandaise s'est forgée dans le combat nationaliste contre le Danemark au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et ce profond attachement à la nation, au pays, est cultivé à l'école et dans tout un tas de choses. L'Islande était un pays très homogène, avec une population très homogène, et la crise a réactivé ce sentiment nationaliste. Mais ces dernières années, l'Islande est devenue bien plus multiculturelle qu'elle ne l'était. Environ 10 à 15% de la population est constituée d'immigrés. Il y en a beaucoup dans le secteur des services, dans la construction, par exemple. Donc, ça a changé l'attitude des gens sur ce qu'est être islandais. C'est moins simple qu'avant, mais c'est aussi parce que les Islandais, comme les autres, sont très ouverts à la mondialisation. Ils voyagent plus, étudient à l'étranger, et leur relation au monde évolue. Donc, je pense que le nationalisme islandais a changé sur une longue période. Et ce type de crise est l'occasion de réaffirmer ce sentiment de profond attachement. Et je dirais presque cette peur que des nations étrangères profitent de l'Islande. Et c'est pourquoi nous avons connu les guerres de la morue dans les années 50, 60 et 70, qui ont commencé avec l'extension des frontières physiques de l'Islande de 4 miles à finalement 200 miles aujourd'hui. Le conflit était essentiellement avec le Royaume-Uni. Et cela active le nationalisme qui se nourrit de ce genre de bataille. Donc il y a eu ces évolutions. Et rapidement, au XXe siècle, on est passé d'une nation très homogène à une nation multiculturelle, ce qui influence la matière avec laquelle le peuple considère le nationalisme et l'identité nationale. Mais la crise a seulement été un moment très court dans cette évolution. Dans l'imagerie nationaliste et indépendantiste, c'est typique parce que du coup, c'est vraiment le petit pays qui se fait Lionel Cordier harceler, qui se fait gronder par les grandes puissances autour. Donc ça venait vraiment aussi réactiver cet imaginaire-là. Il y a vraiment cette méfiance-là par rapport aux grands ensembles européens, Amérique du Nord, qui a toujours été présente. Une méfiance par rapport à un danger de retomber dans la dépendance d'une grande puissance. Oui, ça c'est vrai que je l'interprète comme ça. Ça se voit notamment dans la grande frilosité que la population islandaise a pour intégrer l'Union européenne. C'est quelque chose vraiment qui fracture l'ensemble du jeu politique islandais. D'ailleurs, vous avez une partie de la gauche, les Verts de gauche ne sont pas traditionnellement pour l'entrée dans l'Union européenne. À l'inverse, vous avez certaines franges du parti de l'indépendance, donc la droite conservatrice qui est plutôt pour ça. C'est quelque chose qui fracture toute la société islandaise, de même d'ailleurs que leur position par rapport à l'appartenance dans l'OTAN et dans leurs liens qu'ils cultivent avec les États-Unis. Island, Mais la Constitution, c'était autre chose. De nombreuses personnes pensaient que la Constitution était la raison pour laquelle la crise était arrivée. Par un manque de démocratie, on pourrait dire. Nous avons un système centré sur le Parlement. Le peuple élit le Parlement et le Parlement décide de tout pour les quatre années qui suivent jusqu'à la chute du gouvernement. Donc il y avait ce type d'idée qu'avec plus de démocratie directe, en donnant davantage la parole au peuple dans la gestion quotidienne, cela changerait l'Islande. Je ne suis pas certain que ce soit exact, mais la Constitution est ancienne. Elle est fondée sur la Constitution danoise de 1944. Elle a été un peu modifiée, mais pour l'essentiel, c'est la même qu'en 1944. Donc c'était très clair qu'elle avait besoin d'être révisée et au début, tout le monde était d'accord là-dessus. Mais rapidement, il y a eu des désaccords sur ce qui devait être changé. Donc l'idée que nous pourrions élaborer un document, un texte sur lequel tout le monde se mettrait d'accord, c'était... On n'y est pas arrivé. Le Conseil constituant a fait un travail exemplaire. Il y avait 20 à 30 personnes qui travaillaient ensemble et qui dépassaient leurs différences. Mais la concorde a disparu et nous sommes toujours dans le même bazar. Et aucun changement de la Constitution n'a eu lieu. Et je pense que ça symbolise la crise. La crise a été un choc très brutal, sans que l'on sache ce qui allait se passer. Mais les gens ont rapidement recommencé et continué comme avant. Si la Constitution avait été votée pendant ce moment de choc, peut-être qu'elle serait passée. Mais aussitôt que les choses se sont calmées, nous sommes retournés au point où nous ne sommes pas d'accord. Certains voulaient obtenir plus de contrôle sur la pêche, par exemple. Mais ceux qui possèdent les bateaux de pêche ne le voulaient pas. Donc il y avait tout un tas de raisons économiques qui faisaient que c'était difficile de trouver quelque chose sur lequel tout le monde serait d'accord. Et voilà où nous en sommes maintenant. On a dit au peuple, disons, que tout le monde avait fait des erreurs. C'est la faute des gens ordinaires. C'est le fameux argument de l'écran plat. Tout le monde a acheté des TV écran plat, donc tout le monde est coupable. Les politiques ont parlé comme ça, vraiment. Donc moi, en tant que philosophe, je ne crois pas à cet argument. C'est plutôt naïf, mais bien entendu, les élites politiques ont essayé de faire passer la faute au peuple. Mais les gens ordinaires n'ont pas été très contents de ça, et donc on a manifesté. Et ça a été très important, très, très, très remarquable de voir à l'œuvre. C'était comme être dans un laboratoire politique, parce qu'il y avait beaucoup de questions fondamentales qui sont ressorties comme ça, qui ont dû être discutées. Donc, la question qui est coupable de quoi, qui doit faire quoi en Islande reste. Et donc c'est une question que l'on travaille toujours. Et les partis politiques se sont renouvelés un peu, mais il y a trop de confusion, on peut dire. Presque rien n'a changé. Donc on a protesté contre l'hégémonie financière, mais on n'est pas vraiment arrivé à la combattre ou à faire des changements. Pas vraiment. This is Iceland. Luminous. Captivating. Unforgettable. Beautiful. Come see for yourself. Mais là, pour vous, ça va mieux. Vous avez monté une autre affaire, vous travaillez dans le tourisme, ça marche plutôt bien. Oui. Mon skateboard va avec la vague comme chez tout le monde, oui. Il y a plein de touristes, je parle français, et ça a de la valeur, oui. Pour le moment, pendant que ça dure. L'Islande est devenue tellement chère que je suis toujours étonné qu'ils viennent quand même, les Français. Hein, parce que payer 300 euros pour une chambre, c'est quand même minable. C'est l'escroc. C'est d'esprit qui recommence. Maintenant, tout le monde veut gagner beaucoup d'argent en peu de temps. On construit des hôtels partout et puis on veut payer l'hôtel en 5 ans. Alors, c'est ce capitalisme qui se cristallise. J'espère juste qu'on va se rendre compte qu'on ne peut pas... Il y a un proverbe qui dit tu peux enlever la laine souvent, mais tu prends la peau qu'une fois. Toi. Merci à Torfi Tulinius, Guðmundur Alfdanarson, Magnus Christiansson, Asta Ingibjardsdóttir, Björn Zorsteinsson, Snæbjörn Brynjarsson et Lionel Cordier. Merci également à Michel Salé, Aïssa Sigurjonsdóttir, Eric Bourri, Isabelle Busch, Alice Karabedian, Marie Taillefer et Stéphane Christiansson. Lecture, Christophe Bro. Prise de son, Yves Lehors et Audrey Guélil. Mixage, Éric Boisset. L'Islande, 10 ans après, ce que la crise nous a fait. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Anne Fleury. Voilà pour ce documentaire du jeudi, car désormais le documentaire sera diffusé le jeudi dans l'émission de La Fabrique de l'Histoire, en conclusion d'une série donc consacrée à la crise de 2007-2008, une série que vous pouvez évidemment écouter ou réécouter sur le site de France Culture, télécharger, commenter sur le groupe Facebook des Amis de La Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter pour le commenter. Et puis sachez, à propos justement d'histoire économique et financière, que dans quelques jours, le 25 septembre prochain, eh bien, on fêtera les 30 ans du comité pour l'histoire économique et financière de la France, qui a fait de grands travaux justement sur cette histoire économique et financière de la France depuis 30 ans, sur le thème histoire et dynamique économique. On trouvera le lien pour ce colloque qui se tiendra donc le 25 septembre prochain à Paris sur le site de la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous parlerons d'actualité.